بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشى frères et sœurs. Aujourd'hui, le samedi 23 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 16 mai 2020. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour poursuivre ensemble notre étude de la vie de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kafir, rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Et son livre s'intitule Al-Fusul fi sirati ar-Rasul. Nous avons parlé dans les cours précédents de la grande bataille de Uhud. Cette bataille qui a eu lieu le 15 Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, et c'était un samedi. Très exactement, une année à peu près après la bataille de Badr, dans laquelle les croyants ont eu une très grande victoire. Et dans cette bataille, comme on a vu, qui a pourtant très très bien démarré, les musulmans 700 contre 3000, l'armée des mécréants, et rapidement les croyants ont dominé la bataille. Et ensuite, à cause de cette désobéissance à un ordre du prophète alayhi salam de la part de ses compagnons radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous, qui étaient sur le mont des archers et qui ont quitté leurs emplacements, contrairement à ce que le Nabi Al-Salam leur a ordonné, quand ils ont vu que la bataille était finie et que le Kuffar ont pris la fuite et que le Muslimin se partageait les butins. Et ils voulaient prendre leur part dans les butins et ils ont quitté leurs emplacements. Et c'est là où il y a eu un renversement de situation dans le déroulement de la bataille, et le Kuffar ont pu, dirigé par Khalid ibn al-Walid et Ikrima ibn Abi Jahl, qui dirigeaient les troupes des chevaliers, ils ont pu attaquer l'armée par derrière dans un moment d'insouciance de la part des croyants radiallahu anhum, et ils ont pu ainsi faire beaucoup de morts et faire subir beaucoup de dommages et de pertes aux croyants radiallahu anhum. Mais malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qu'il a subi dans cette bataille, il a été blessé au niveau du visage, on a cassé une de ses dents, on a fait rentrer son casque, deux anneaux de son casque dans sa joue, on l'a fait tomber dans un trou. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il ait tombé. Et ainsi de suite, alayhi salatu wassalam, malgré tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve d'un courage inédit et inégalable, alayhi salatu wassalam. Et il a fait face à un moment dans la bataille aux mécréants seuls. Et ensuite, des compagnons se sont joints à lui, 10 parmi l'Ansar, ils l'ont défendu, radiallahu anhum, jusqu'à ce qu'ils aient été tués tous. Donc, vous voyez, le Nabi alayhi salam, seul, il repousse le kuffar. Et 10 compagnons qui le protègent, le kuffar arrive à les tuer. Ça vous démontre l'intensité de l'attaque des mécréants. Mais Allah azzawajal a envoyé à son prophète, alayhi salatu wassalam, deux anges qui le protégeaient, Jibril alayhi salam et Mikaïl, alayhi salam. Et bien évidemment, il y a des sagesses. Car si Allah, il voulait, si Allah voulait que les mécréants ne touchent pas un cheveu du prophète, alayhi salam, il ne l'aurait pas touché. Mais il y a des sagesses qu'Allah a voulu pour cette communauté et des leçons à tirer et des profits à retenir à travers ce qui est arrivé dans cette bataille de Uhud. Et finalement, l'armée des croyants a pu se ressaisir avec les directives de notre prophète alayhi salatu wassalam et ils ont pu minimiser les dégâts dans cette bataille et en sortir avec le minimum de préjudice. Et c'est pour ça que, vu de ce point de vue, Kuffar Quraysh n'ont pas emporté cette bataille. Parce que non seulement ils ne sont pas restés les 3 jours qu'avaient les Arabes, comme habitude, de rester à l'endroit même où s'est déroulée la bataille après sa fin, pour marquer leur victoire. C'est-à-dire, ils sont toujours prêts au combat. Et même Nabi alayhi salam, il a fait ça dans la bataille de Badr. Et également, ils sont repartis sans avoir un seul prisonnier parmi les musulmans. Également, ils sont repartis sans prendre rien des musulmans comme butin. Ils n'avaient ni butin, ni prisonniers de guerre. Et en plus, ils n'ont pas atteint leur objectif, qui était de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais de toute manière, les musulmans ont subi beaucoup de dégâts dans cette bataille et il y avait beaucoup de sagesse à retenir que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, l'importance de l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première leçon et une des plus grandes leçons à retirer. L'importance de l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam si on espère la victoire d'Allah. Car dans cette bataille, malgré qu'il y avait les plus grands alliés d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, avec une désobéissance au messager alayhi salatu wassalam, et pas de tous, d'un faible pourcentage dans l'armée. D'un faible pourcentage dans l'armée. Et vous rappelez l'histoire avec Moussa alayhi salam, qui est citée dans l'authentique, quand ils ont invoqué Allah de faire descendre la pluie. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit que je n'exaucerai pas votre demande, car il y a parmi vous un homme qui fait des péchés. Regardez, un seul homme, Moussa alayhi salam, et les alliés d'Allah à cette époque qui étaient les juifs, invoque Allah, Allah ne les exauce pas à cause d'un seul homme. Et ensuite cet homme s'est repenti. Moussa alayhi salam leur a dit, celui qui a fait des péchés, qu'il sorte. Et on veut invoquer Allah uniquement avec des gens qui ont fait tawba et qui n'ont pas de péché. Et ni à l'instant où on fait cette demande. Et cet homme a eu honte de sortir devant tout le monde et que tout le monde va voir que c'est lui le pécheur. Et il s'est repenti entre lui et Allah. Et après, Allah a fait descendre la pluie. Moussa alayhi salam a dit à Allah, personne n'est sorti, ô Allah, et pourtant t'as fait descendre la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, il s'est repenti. Moussa lui a demandé de lui montrer qui est cet homme. Car c'est un allié d'Allah. Il s'est repenti, Allah a accepté son repentir. Donc c'est un croyant sincère que Moussa voulait et aimait connaître pour savoir qui est cet homme qui a eu ce mérite. Et allez, regardez, un malheur qui se transforme en un grand mérite. C'est pour ça Iblis, il a désespéré. Et il était fatigué par le repentir des croyants jusqu'à ce qu'il a eu l'idée d'inventer pour eux les hérésies dans la religion. les hérésies dans la religion et les innovations dans la religion. Choses dans lesquelles ils tombent et ils se repentent en général jamais. C'est rare où quelqu'un se repent d'une innovation. Contrairement au péché, tu trouves des gens qui ont fait des péchés pendant 50 ans, ils se repentent parce qu'ils savent qu'ils font le mal. Contrairement à quelqu'un, il fait une adoration qui n'a pas été enseignée par le prophète A.S. et il pense bien faire. Et ce sont ceux-là les plus perdants en œuvre, comme Allah a dit dans les derniers versets de Sourate Al-Kahf. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ne vous informe-je pas qui sont les plus perdants en œuvre? Ceux dont les œuvres se sont égarées dans الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا se sont égarés et perdus dans le bas monde alors qu'ils pensent bien faire. C'est pas une condition que tu penses faire le mal pour que ce soit un mal. Il n'y a pas que l'intention qui doit être considérée. Naam, il faut avoir une bonne intention, mais il faut se conformer à la législation. La bonne intention à elle seule ne suffit pas. Et si la bonne intention suffisait, Allah n'aurait pas révélé les livres et n'aurait pas envoyé les prophètes et les messagers. Chacun selon son intention. Celui qui a une bonne intention, il va au paradis, celui qui a une mauvaise intention va en enfer. Alors que c'est pas comme ça. Il faut la bonne intention, la sincérité, et ça c'est la signification de la première attestation de foi, mais il faut également la conformité à la sunna. Et ça c'est la signification de la deuxième attestation de foi. Et tu deviens musulman avec les deux, et non pas avec une seule. Et ça me fait penser à un point que m'a cité un des frères quand j'ai parlé de Mukhayriq radiyallahu anhu, ce juif qui a été décrit par le prophète alayhi sallam comme étant le meilleur des juifs. On peut comprendre, c'est le meilleur des juifs qui ont participé dans la bataille de Uhud. Mais en tout cas, c'est un juif qui est entré dans l'islam. Et quand j'en ai parlé, le frère m'a dit que j'ai pas dit qu'il était entré dans l'islam, mais j'ai dit qu'Allah lui a accordé le degré du martyr et qu'il fait partie des gens du paradis et que c'est un homme qui ne s'est jamais prosterné pour Allah une seule fois. Il a participé dans une bataille, il a eu le degré du martyr et il a été récompensé énormément par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ça me fait penser à une autre faïda qui a été citée par Al-Hafidh ibn Hajar quand il a parlé de hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a décrit qui étaient les œuvres les plus aimées et les meilleures auprès d'Allah. Et Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a cité d'abord As-Salat dans son temps, dans une version. Et après il a cité Al-Jihad fi sabilillah. Donc salat obligatoire accomplie dans son temps, à son temps, et pour l'homme à son temps, c'est en groupe, dans une mosquée dans laquelle on fait l'appel à la prière 5 fois par jour. C'est ça, salat dans son temps, et que ça, c'est plus méritoire que le combat dans le sentier d'Allah. Al-Hafidh ibn Hajar a expliqué pourquoi c'était meilleur. Et justement, il a parlé de quelque chose comme ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que j'ai pensé à cela. C'est que le djihad, tu peux faire un rappel à quelqu'un au sujet du djihad et de son mérite et de tout ce que Allah a réservé pour les martyrs, et il peut participer dans un combat quelques instants plus tard. Et Allah lui donne le degré du martyr. Contrairement à la salat, tu peux faire le rappel sur la salat à une personne, et le mérite de la salat, et le mérite d'avoir takbirat al-ihram avec l'imam, et ainsi de suite, et il va pratiquer cela pendant quelques jours, et après il faiblit. Une semaine, il maintient, et après il commence à faiblir. Ou un mois, ça dépend des gens. Donc salat, c'est un jihad permanent, toute la vie. Chaque jour, c'est un jihad. Pour faire tes salawat à l'heure, à la mosquée, avec le groupe des muslimines. Et pour la femme, c'est meilleur de prier chez elle. Mais si elle souhaite prier dans la mosquée, son mari n'a pas le droit de l'empêcher. Sauf si elle sort sans respecter les conditions que la femme doit respecter avant de sortir de chez elle. Elle sort couverte, non parfumée, et sa sortie ne représente pas une fitna. Donc de cette bataille, comme j'ai dit, des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimallah, c'était une grande leçon pour les compagnons, radiallahu anhum, et ils ont réalisé davantage la gravité de la désobéissance à un ordre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhum, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, et juste avant sa mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait décidé d'envoyer une armée pour attaquer les Romains, dirigée par Oussama ibn Zayd, qui avait 18 ans, radiallahu anhu. C'était lui le chef qui devait être le chef de cette armée. Et dans cette armée, yani parmi ceux qui étaient présents et qui allaient participer, Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali, radiallahu anhu. Le Nabi alayhi salam a désigné Oussama ibn Zayd pour diriger cette armée, radiallahu anhu, à l'âge de 18 ans. Et quand le Nabi alayhi salam est décédé, les compagnons ont dit à Abu Bakr, c'est pas la peine d'envoyer cette armée maintenant, après l'apparition de l'apostasie dans les tribus arabes, dans les alentours de Medina, et qu'on est menacé par ces gens-là, ils peuvent nous attaquer et attaquer nos familles pendant notre absence, on reporte l'envoi de cette armée et de cette expédition. Et Abu Bakr leur a dit, sa parole très connue, très célèbre, « Jamais j'aurai retardé une chose que le Nabi Islam voulait envoyer. » Et il a ordonné à ce que cette armée sorte, fi sabilillah, exactement comme le Nabi alayhi sallam l'a ordonné. Et il n'a pas tenu compte des menaces qui puissent avoir lieu autour de Medina. Et subhanallah, regardez le baraka de la conformité à la sunna, c'était une cause que toutes ces tribus ont eu peur des muslimines. Ils ont dit, s'ils ont envoyé une aussi grande armée comme celle-là, pour attaquer les Romains, c'est qu'ils doivent avoir encore beaucoup plus avec eux à Médine. Et Allah a jeté la peur dans leur cœur par la baraka de la conformité de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, à la volonté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, regardez, notez bien, que ça, c'est de regarder comment il est Abu Bakr Siddiq vis-à-vis d'une chose dont il a le choix. C'est lui le gouverneur maintenant. Les données ont changé. Il peut changer son avis. Mais, malgré ça, il a gardé le choix du prophète, alayhi salatu wassalam, quelles que soient les conséquences. Et Allah Azzawajal a fait de cela une victoire pour les croyants. Et après, les autres compagnons ont vu cette sagesse également chez Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Alors, des hommes comme ça, vous devez imaginer comment ils vont être par rapport aux ordres du prophète, alayhi salatu wassalam, qui concernent nos adorations et nos croyances. Ça, c'est dans une chose dans laquelle ils ont le choix. Comment ils vont être alors dans les obligations de l'islam, radiallahu anhum. Et également, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sagesses qu'on a vues, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas toujours la victoire à ses alliés et aux prophètes. Sinon, même les hommes qui ne sont pas sincères et ceux qui ne veulent pas l'islam vont entrer dans l'islam. Parce qu'ils voient que c'est un groupe qui gagne tout le temps. Et avec ce genre d'événement, Allah Azzawajal, il distingue les vrais croyants des menteurs et des hypocrites. Et Allah Azzawajal, il permet à ses serviteurs, à travers ses épreuves, de l'adorer dans la difficulté comme dans l'aisance. Et de l'adorer dans les moments fastes comme il l'adore dans les moments néfastes. Et que quand ils sont touchés par des catastrophes et des épreuves comme celle-là, ça donne en eux une grande humilité, une grande soumission et une grande dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera par la suite la cause de d'autres victoires. Et Allah Azza wa Jal, quand il souhaite accorder un degré élevé à certains de ses serviteurs, et il sait que ses serviteurs ne peuvent pas les atteindre avec leurs œuvres, Allah il leur permet des épreuves comme celle-là également. Et si la victoire était une constance pour les compagnons et pour les alliés d'Allah, ça aurait pu, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, ça aurait pu donner un sentiment d'autosatisfaction. Et quelque chose comme de la vantardise et de l'arrogance, et de croire que ces exploits sont les fruits des œuvres et des actes des humains. Et ce n'est pas quelque chose qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, avec ce genre d'épreuve, Allah y permet de purifier les âmes de toute mauvaise chose, comme celle que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a citée. Donc l'épreuve et la difficulté est un remède pour toutes ces mauvaises choses qui puissent passer par le cœur. Et à travers ces épreuves, Allah Azza wa Jal accorde un des degrés les plus élevés qu'il accorde à ses serviteurs, qui est le degré du martyr. Il n'y a que le degré des véridiques qui est au-dessus de celui-là. Et c'est une expiation également pour les croyants et une élévation dans leur degré que d'être touchés par des épreuves. Et les prophètes, alayhi salatu wassalam, comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont touchés par des difficultés, des épreuves, comme celles qu'a subi notre prophète alayhi salatu wassalam dans la bataille de Badr, ça permet de donner leçon à leurs suiveurs et qu'ils peuvent s'armer de patience et d'endurance dans les difficultés et ne pas baisser les bras à la première épreuve, mais persister et insister jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la victoire. Et Allah Azza wa Jalla, il permet de voir le courage et l'endurance de ses alliés à tous ceux qui viennent après eux. Et il permet de voir la patience et l'endurance et le courage de son prophète à ses compagnons également, radiallahu anhum. Et de toute façon, tout ce qui touche le croyant est un bien pour lui. Comme il a dit Omar, radiallahu anhu, quand Abu Sufyan a dit, nos défunts, on a tué parmi vous comme vous avez tué parmi nous. 70-70. Et lui, il ne savait pas le nombre, Abu Sufyan, quand il a dit ça, mais il se faisait une idée que c'était à peu près la même chose. Et subhanallah, c'était exactement le même nombre de morts que les croyants ont tués dans la bataille de Badr, des mécréants. Les mécréants ont tué le même nombre des croyants dans la bataille de Uhud, 70. Mais Omar lui a rétorqué en disant, ils ne sont pas pareils, nos morts sont au paradis, vos morts sont en enfer. Donc, cet événement et cette catastrophe par laquelle étaient touchés les croyants dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud, Afon. Cette épreuve par laquelle les croyants ont été touchés dans la bataille de Uhud, elle avait, bien évidemment, des effets par la suite sur les différentes alliances qu'avaient les croyants avec les tribus arabes. Et pas mal de tribus ont renoncé à leur alliance avec les croyants après ce qu'ils ont subi dans la bataille de Uhud. Car au début, ils avaient fait ces pactes avec les croyants par peur, quand ils ont vu leur victoire époustouflante dans la bataille de Badr, et comment ils ont rasé les ennemis d'Allah, ils ont eu peur et ils étaient contraints de faire des pactes d'alliance avec les croyants. Ceux qui étaient dans cet état d'esprit, dès qu'ils ont entendu ce qui s'est passé dans Uhud, ils ont renoncé à ces pactes. Et également, c'était l'occasion pour les ennemis d'Allah, parmi les juifs, même ceux qui étaient dans le Medina, et qui étaient également dans des pactes avec les croyants, avec le Nabi alayhi salam, c'était une occasion pour eux de manifester leur haine pour les croyants et pour les musulmans, et de se moquer d'eux ouvertement, et de comploter contre les musulmans. Ils se sont alliés à des hypocrites pour cela, et ils ont répandu des rumeurs, des fausses rumeurs, et des ragots au sujet des croyants, radiallahu anhum. Donc, comme on a vu, cette bataille s'est déroulée le 15 Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, qui était un samedi. Et à la fin de la bataille, les musulmans sont rentrés chez eux. Également, les kuffars ont pris leur route vers Mecca. Mais ils sont passés par une route qui mène vers Badr. Et dans certains récits, ils avaient dit aux croyants qu'on veut continuer la bataille à Badr, là où vous nous avez vaincus l'année dernière, pour qu'on prenne notre vengeance là-bas. Et ils sont partis dans cette direction, vers Badr, qui est également comme un petit détour pour aller à Mecca. Et à la matinée du dimanche 16 Shawwal, le lendemain de la bataille, alors que les compagnons radiallahu anhum avaient encore leurs blessures qui étaient fraîches et qui n'étaient pas encore guéries, le Nabi alayhi salatu wasalam leur a demandé de se préparer pour sortir à la rencontre de Kuffar Quraysh. Il leur a demandé de se préparer pour sortir combattre Kuffar Quraysh. Et il a dit, il ne sort avec moi que ceux qui ont assisté à la bataille de Uhud. Et personne d'autre en dehors de cela. Et personne d'autre en dehors de cela. Et Ubay ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avait demandé d'accompagner le Nabi alayhi salam dans Hamra al-Asad. Mais le Nabi alayhi salam a refusé. Il a dit, il ne sort avec moi que ceux qui sont sortis dans la bataille de Uhud. Comme Moussa ibn Uqba a rapporté dans ses Maghazi, Moussa ibn Uqba, c'est un des plus grands savants de la Sira. Comme Ibn Ishaq. Il est comme Ibn Ishaq. Et les deux, bien évidemment, c'est parmi les plus grands savants de la Sira. Il y a un troisième, mais le troisième est faible. Il s'appelle Al-Waqidi. Mais les deux là, c'est parmi les plus grands savants de la Sira. Donc Moussa ibn Uqba a dit qu'un homme parmi les hommes de Mecca est venu à Médine, yani après, juste après la bataille de Uhud, et Nabi Aïssa lui a demandé les nouvelles de Abu Sufyan et de son armée. Il a dit, je me suis arrêté là où ils étaient arrêtés, et je les ai entendus se dire les uns aux autres et se blâmer en se disant, vous avez rien fait, vous les avez esquintés, vous avez tué beaucoup parmi eux, et ensuite vous êtes partis sans les exterminer, alors qu'il reste parmi eux, yani, certains de leurs têtes, et bientôt ils vont se préparer et vous attaquer une deuxième fois. Et quand Nabi a entendu cela, il a ordonné immédiatement à ses compagnons de se préparer et de sortir pour leur rencontre. Et il a mis comme condition, yani, ne sera avec lui que ceux qui sont sortis dans la bataille de Uhud, c'est-à-dire les 630 compagnons qui sont restés de Uhud, car ils étaient 770 en tombés martyrs. Et Jabir ibn Abdillah, ce jeune compagnon qui était encore jeune, il n'a pas pu participer dans la bataille de Uhud, parce que son père lui a confié ses petites sœurs, et elle n'avait personne pour veiller sur elle. Il lui a demandé de ne pas sortir pour la bataille de Uhud et de veiller sur ses sœurs, car lui, son père, qui est Abdullah ibn Haram radiallahu anhu, espérait bénéficier du martyre dans le sentier d'Allah. Et Jabir, ce fils pieux et extrêmement vis-à-vis de son père, il a préféré rester par obéissance à son père déjà, et parce qu'il voulait pour son père ce que son père voulait et espérait, qui est le martyre. Et il est resté, il a veillé sur ses sœurs, radiallahu anhu. Et Jabir, quand Nabi Aïssa salam voulait sortir pour cette deuxième bataille, yani, en réalité c'est une continuité de la bataille de Uhud. Et ça vous permet de voir pourquoi il y a des divergences dans le nombre de batailles dans lesquelles Nabi Aïssa salam a participé. Parce que le lendemain, Nabi Aïssa salam est sorti jusqu'à un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad. Hamra al-Asad, c'est un endroit qui se trouve à peu près à 80 km de Médina. Et c'est là où se trouve aujourd'hui la maison de notre noble cheikh, ou un peu avant, la maison de Cheikh Ubayd, hafidhahullah, un peu avant. Donc, Nabi Aïssa salam est sorti avec ses compagnons. Et Jabir lui a demandé de les accompagner, et il a cité son excuse pourquoi il n'est pas sorti dans la bataille de Uhud. Et Nabi Aïssa salam l'a accepté, et c'était la seule exception dans cette bataille. Et Jabir, subhanallah, il a respecté la recommandation de son père, même après la mort de son père. Et c'est pour ça que Jabir radiallahu anhu, qui était très jeune, quand il a souhaité se marier, et qu'il a trouvé une femme, et qu'il l'a épousée par la suite, Nabi Isa sallam l'avait rencontré, et lui a demandé, est-ce que tu t'es marié? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu as épousé une bikr ou une femme fayyib? Une femme qui n'a jamais été mariée, une femme vierge, ou une femme qui a déjà été mariée. Il lui a dit au messager d'Allah, j'ai épousé une femme qui a déjà été mariée. Donc il a épousé une femme qui a déjà été mariée, et qui était plus âgé que lui. Et qui était plus âgé que lui. Et le Nabi Hassan lui a dit, pourquoi t'as pas épousé une femme, elle est plus jeune, toi t'es jeune. C'est plus amusant pour lui. Radiallahu anhu. Et c'est son droit. Radiallahu anhu. Mais, subhanallah, regardez ce qu'il a dit, radiallahu anhu, au prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, mon père est mort, et il est martyr dans la bataille de Uhud, comme on a vu, et il m'a laissé des petites sœurs qui étaient très jeunes. Et je n'ai pas voulu épouser une femme du même âge que mes sœurs. Car elle ne serait pas occupée d'elle. Elle est du même âge que ses sœurs. Elles vont jouer ensemble, mais elle ne va pas s'occuper d'elle. Elle ne va pas aller prendre soin d'elle. Et c'est pour ça qu'il a préféré épouser une femme qui était plus âgée que lui et qui avait de l'expérience avec les jeunes filles, afin de veiller sur elles et de s'occuper sur elles, de s'occuper d'elles, radiallahu anhu. Et subhanallah, Jabir, il dit de lui-même qu'il a vu beaucoup de bien dans sa vie par cette cause, sa veillance sur ses sœurs. Yani, c'était la cause de beaucoup de bien dans sa vie. Allah lui a donné une largesse dans la subsistance et il a vu énormément de bien. Et ça, de manière générale, les bonnes œuvres sont une cause de baraka pour le croyant dans sa vie. Comme on a vu avec Hudhayfa ibn al-Yaman, quand il a pardonné à ceux qui ont tué son père par erreur dans la bataille de Uhud. Et les croyants ont répondu à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, ce n'était pas une obligation de sortir pour eux, pour les compagnons. Mais ils sont sortis, radiallahu anhum, dans leurs blessures. Car comme on a vu, la bataille a eu lieu. La bataille a eu lieu le samedi. Et eux, ils sont sortis le dimanche. Ça veut dire, ils ont encore les blessures, ils ont encore le sang, et ils sont sortis, radiallahu anhum, jusqu'à ce qu'ils se sont approchés de cet endroit qui s'appelle Hamra al-Asad. Enfin, j'ai dit 80 kilomètres, c'est 14 kilomètres. C'est là où habite Cheikh Ubaid aujourd'hui. C'est la nouvelle maison de Cheikh Ubaid, Hafidallah, aujourd'hui, à 14 kilomètres. 14 kilomètres de Medina, et c'est une région où il fait souvent frais toute l'année, qui s'appelle Hamra al-Asad. Et les croyants ont répondu favorablement à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, et ils sont sortis dans leurs blessures et dans les douleurs qu'ils avaient toujours de la bataille de Uhud, dans laquelle ils ont subi ce qu'on a vu, ils sont sortis, radiallahu anhum, sans hésitation. Comme Allah Azza wa Jalla dit, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager, yani blessés dans la bataille de Uhud, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager à ceux d'entre eux qui auront fait le bien et qui auront fait preuve de piété et promise une immense rétribution. Il y a un homme qui s'appelle Ma'bad ibn Abi Ma'badin al-Khuza'i. Il est venu voir Nabi alayhi salatu wassalam ce jour-là et il est entré dans l'islam. Nabi alayhi salatu wassalam lui a fait da'wah, il est entré dans l'islam. Il est entré dans l'islam et Nabi alayhi sallam l'a chargé d'une mission. Il lui a dit, comme personne ne savait qu'il était devenu musulman, il lui a dit, va chez Abu Sufyan et son armée et dis-leur que le messager d'Allah alayhi sallam est sorti avec ses compagnons derrière vous pour la bataille. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est allé jusqu'à cet endroit où ils se sont arrêtés. Et c'est avec ça que j'ai confondu tout à l'heure. Un endroit qui s'appelle Rawha, qui se trouve à 80 km de l'Madina. C'est cet endroit qui se trouve à 80 km de l'Madina, qui est à mi-chemin entre l'Madina et Badr. Car eux, ils se sont orientés vers Badr. Selon certains récits, ils voulaient continuer la bataille là-bas. Et dans d'autres récits, non, c'était juste la route pour aller vers Mecca. En tout cas, il les a atteints à cet endroit qui s'appelle Rawha, et il leur a dit ce que Nabi alayhi sallam lui a dit, et ça les a affaiblis, et ça a affaibli leur détermination et leur volonté, et ils ont décidé, vous imaginez, quand ils entendent ça, quand ils entendent que le prophète alayhi sallam et ses compagnons sont sortis dans leur état, ils sont sortis dans l'état de la bataille, et avec les blessures, ça c'est pas des hommes, ça fait peur. Quand t'as un ennemi comme celui-là, ça te fait très très peur. Et en plus, avec ce que cet homme a dit, radiallahu anhu, car il est entré dans l'islam, alors ça affaiblit l'envie de Quraysh. Car comme on a vu, ils se sont blâmés. Et ils ont dit, comment on a tué autant et on ne les a pas exterminés, alors que c'est une occasion pour nous, faut pas la louper. Mais quand ils ont entendu ces choses-là, ça les a affaiblis et ils ont décidé de repartir à Mecca définitivement. Et le Nabi alayhi salam, quand ils sont sortis jusqu'à Hamra al-Asad, ils ont attrapé un homme qui s'appelle Muawiyah ibn al-Mughira ibn Abi al-As. C'est parmi les mécréants qui ont combattu les croyants dans la bataille de Uhud. Il était tellement épuisé suite à la bataille de Uhud qu'il s'est endormi pas loin de Medina. Et sur le route, les croyants l'ont vu, ils l'ont attrapé. Et cet homme, il fait partie de ceux qui ont mutilé le corps de Hamza radiallahu anhu. Nabi alayhi sallam l'a attrapé. Quand ils lui ont ramené cet homme, il a ordonné à ce qu'on le tue. Il a été tué. Et c'est le seul qui a été tué dans cette expédition de Hamra al-Asad, qui a eu lieu le lendemain de la bataille de Uhud. Et Abu Sufyan, lui également, il a rencontré un homme qui se dirigeait vers le Médina. Il lui a demandé de transmettre un message au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, si tu transmets ce message, quand tu viendras à Mecca, je te donnerai un chameau rempli avec des raisins secs. C'est un don immense pour eux. Ce que porte un chameau en raisins secs, les raisins secs, c'est comme pour nous d'abord, c'est des fruits de grande qualité. C'est quelque chose que ne trouvent pas les gens à Mecca normalement. Ça, c'est quand ils reviennent de Cham ou de Yémen, où ils ramènent des choses comme ça. Et l'homme a accepté. Il lui a dit, quand tu arrives à Médine, va vers le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui, Inna al-qawma jama'u lakum. Il lui a dit, dis-lui que les gens, c'est-à-dire les kuffars de Quraysh, se sont eux aussi rassemblés et ils se sont préparés pour votre combat. Ils sont dans le maximum de leurs préparatifs pour vous combattre. Ils se sont tous rassemblés pour vous combattre. Craignez-les. Farshawum, craignez-les. Allah Azza wa Jalla a décrit ça dans le verset 173 de Sourate Ali Imran. Il a dit: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Ceux dont les gens ont dit, يعني les gens c'est Kuffar Quraysh, les gens c'est cet homme qui a transmis le message. Regardez, c'est le même mot mais à chaque fois ça va désigner une chose différente. Les gens qui ont dit c'est cet homme. Ils ont dit que les gens ici, c'est Kuffar Quraysh, à leur tête Abu Sufyan, se sont rassemblés pour vous combattre. Craignez-les. Mais cela ne fit que raffermir leur foi. Ils dirent, Allah seul nous suffira. Et c'est lui le meilleur garant. Et c'est lui notre meilleur garant. Donc ça, au lieu de leur faire peur, ça a raffermi leur cœur, et ça a augmenté leur foi, et ils ont dit cette parole immense, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah seul nous suffira, et c'est lui le meilleur garant. Et ça, c'est une parole immense qui se dit pour repousser un mal, également pour amener un bien. Quand tu veux qu'Allah t'accorde un bien, tu dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit pour me donner le bien que je souhaite. Et tu le dis également quand tu crains d'être touché par un mal, tu dis Allah nous suffit et nous protège de ce mal. Cette parole, ça a été dit par Ibrahim alayhi salam quand il a été jeté dans le feu. Il a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ça a été dit par Muhammad sallallahu alayhi salam quand ils lui ont dit que Kuffar Quraysh se sont rassemblés et se sont préparés pour vous combattre. Ensuite, dans l'année 4, la prochaine expédition qui va avoir lieu, c'est une expédition qui va avoir lieu dans l'année 4. Donc vous vous rappelez que la dernière, c'était dans l'année 3 du mois Shawwal. L'année 4, Safar, le mois Safar. C'est-à-dire quelques mois après la précédente. La précédente a eu lieu dans le mi-Shawwal, donc après Shawwal, il y a Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja. Ensuite, le début de l'année suivante, c'est Muharram et Safar. Donc, c'est 3 mois après la bataille précédente de Hamra al-Asad. De Hamra al-Asad, qui se trouve à 14 kilomètres à peu près de Medina. Dans cette année, dans le mois Safar, l'année 4, le Nabi Isa al-Salam a envoyé une expédition qui s'est fait appeler Ba'th al-Raji' ou Sariyat al-Raji', l'expédition de Raji'. Et elle a eu lieu dans l'année 4 du mois Safar. Et la cause de cette expédition, qui n'était pas une expédition pour le combat cette fois, c'est une expédition pour la da'wah et pour l'enseignement et la transmission de la science. Deux tribus de Bani Al-Hawn ibn Khuzama ibn Mudrika. Al-Hawn, ça se dit avec le fath, ça se dit avec Dham, comme a dit Ibn Hisham dans Sira. On dit Al-Hawn et on dit Al-Hawn. Ça, c'est une grande tribu de laquelle descend ces deux tribus qui sont visées ici, qui est Adal et Al-Qara. Ces deux tribus, Adal et Al-Qara, sont venus voir le prophète Aïssa al-Salam cette année et ils ont dit qu'il y avait certains parmi eux qui sont entrés dans l'islam et qui voulaient des hommes pour leur enseigner la religion et faire la da'wah afin que l'islam se propage davantage. Le Nabi Aïssa al-Salam a envoyé avec eux 6 hommes, comme ça a dit Ibn Ishaq. Mais ce qui est authentique, c'est qu'il a envoyé avec eux 10 hommes, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il a envoyé avec eux 10 hommes, à leur tête, Marthad ibn Abi Marthadin al-Ghanawi. Mais ce qui est authentique, c'est qu'il a envoyé à leur tête Asim ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu, un très grand compagnon. Parmi ceux qui ont participé dans le pacte d'allégeance de l'Aqaba, il a participé dans la bataille de Badr et il a participé dans la bataille de Uhud. Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé ici, il l'a envoyé à la tête de ces 10 hommes. Lui était le 10e, ils étaient 10. Donc c'est ça qui est authentique. Ce qui est authentique, c'est qu'ils étaient 10 et à leur tête, il y avait Asim ibn Thabit radiyallahu anhu. Et Marthad ibn Abi Marthad, il faisait partie des 10 également. Mais ce n'était pas lui qui a été désigné comme responsable de cette expédition. Et il y avait parmi eux un autre très très grand compagnon qui s'appelle Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu. Retenez bien ces noms. Retenez bien ces noms. Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu. Asim ibn Thabit et Khubayb ibn Adi. Surtout ces deux noms. Et ils sont partis avec eux. Et quand ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Rajir, et cet endroit, c'est un endroit dans le périmètre de la tribu de Hudayl, une grande tribu arabe qui est installée dans le Hijaz. Dans le Hijaz. Yani le Hijaz, ça désigne la région qui englobe le Medina et Mecca. Car comme vous savez, dans la péninsule arabique, on a le Hijaz, c'est jusqu'à la mer Rouge, et de l'autre côté, on a Tihama. Tihama, c'est Riyad, tout ça. Donc, le Nabi a envoyé avec eux ces 10 hommes, à leur tête, Asim ibn Thabit, pour leur enseigner la religion et faire da'wah parmi eux. Quand ils sont arrivés à cet endroit qui s'appelle Rajir, ils ont trahi ceux qui sont venus avec eux et soi-disant ils voulaient gagner des hommes pour leur enseigner la religion et c'était, en réalité, c'était un complot. Et ils les ont trahis, ils les ont encerclés à un endroit qui s'appelle Al-Had'a. Ils les ont encerclés à cet endroit et ils ont appelé les leurs, yani les gens de leur tribu Hudayl, afin qu'ils viennent et pour les combattre. Et ils sont venus, ils les ont encerclés de tous les côtés. Et ces 10 compagnons se sont retirés sur un petit mont. Et ils les ont encerclés sur ce petit mont. Et quand ils les ont encerclés et assiégés, les compagnons ont sorti leurs épées. Ça y est, c'est le combat. Vous savez, comme on l'a vu dans la bataille de Hamra al-Asad, les croyants ne baissent jamais les bras. Kuffar Quraysh veulent continuer la bataille, on sort à leur rencontre. Et on n'attend pas qu'ils viennent chez nous. Et là également, ses compagnons, radiyallahu anhum, quand ils ont vu que c'était un complot et que c'était des traîtres, ils ont sorti leurs épées, malgré qu'ils étaient qu'une dizaine. Que 10 exactement. Et les autres étaient beaucoup plus nombreux. Le nombre n'est pas rapporté, mais vous imaginez, ils ont appelé une très grande tribu parmi les tribus arabes, Hudayl. Et parmi les tribus les plus éloquentes des tribus arabes. Au niveau de la langue de Hudayl est une des langues les plus éloquentes. Mais la langue arabe la plus éloquente de manière absolue, c'est la langue de Quraysh. C'est la langue de Quraysh. Et le Coran a été révélé dans 10 langues de 10 tribus arabes. Donc ils les ont assiégés, les compagnons ont sorti leurs épées, ils se sont préparés pour le combat. Et à ce moment-là, ces traîtres leur ont dit, par Allah, on ne veut pas vous tuer. On veut juste que Quraysh nous donne des choses il y a ni des rançons, en vous les donnant à eux, en vous livrant à eux, car ils ont offert des choses pour celui qui vous ramène, pour eux. Et on veut pas vous tuer. Donc, c'est pas la peine de combattre, yani, jetez vos armes, et on vous donne la garantie qu'on ne touchera personne parmi vous. On ne touchera personne parmi vous. Asim ibn Thabit, radiallahu anhu, le chef de ces 10, a dit, par Allah, je n'accepterai jamais, yani, une trêve avec des mécréants. Et, yani, après leur première trahison, yani, ils sont pas à l'abri de trahir une deuxième fois. Il a dit, je combattrai. Et il a combattu, radiallahu anhu, jusqu'à ce qu'il a été tué. Lui, et 7, yani, ceux qui ont été tués, sont 7 parmi les 10. À leur tête, Asim ibn Thabit, radiallahu anhu. Ils ont tué 7 de ces 10. Et ensuite, ils ont attrapé les 3 autres qui restaient. Les 3 autres qui restaient, sont Khubayb ibn Adi, radiallahu anhu. Et Zayd ibn Dathimna, radiallahu anhu. Et un troisième homme, dont le nom n'a pas été rapporté. Ils ont attrapé les 3, et ils leur ont dit, quand il restait que ces 3-là, vivants, ils leur ont dit, on va pas vous faire du mal, baissez les armes, on va vous emmener avec nous. Et ils ont baissé les armes, et dès qu'ils ont baissé les armes, ils les ont attrapés, ils ont commencé à les ligoter. Le troisième, dont le nom n'a pas été rapporté, a refusé d'être conduit, et de les suivre, et ils l'ont tué. Et il restait que les 2, Zayd ibn Dathimna et Khubayb ibn Adi, radiallahu anhuma. Ils les ont attachés, ils les ont vendus à Kuffar Quraysh. Ils les ont vendus à Kuffar Quraysh. Et ça, c'est à cause des, Kuffar Quraysh avait proposé ça par rapport à ce qui est arrivé à leur notable et leur dignitaire le jour de la bataille de Badr. Et Khubayb, radiallahu anhu, ils l'ont gardé emprisonné. Khubayb, radiallahu anhu, l'ont emprisonné et ils l'ont gardé jusqu'au jour où ils ont décidé de le tuer. Radiallahu anhu arda. Et il dit, avant de vous lire ce que ni les autres savants ont cité par rapport à ces 2 hommes, ni Khubayb et Asim ibn Thabit, on lit ce qu'a dit l'imam ibn Kathir, rahimallah. Donc il a dit que Khubayb, ils l'ont vendu à des mécréants de Quraysh, et ils l'ont gardé emprisonné, jusqu'au jour où ils ont décidé de le tuer, ils l'ont fait sortir vers Tan'im. Dans la version de l'imam al-Bukhari, ils l'ont fait sortir vers la terre licite. Donc ils l'ont sorti de la terre sacrée, vers la terre, vers le Hil. Et Tan'im, comme vous savez, c'est le premier endroit, yani, dès que tu quittes la terre sacrée de Mecca, le premier endroit que tu trouves, c'est Tan'im. Et ils ne voulaient pas le tuer dans la terre sacrée. Soi-disant, ils ne voulaient pas, yani, salir la terre sacrée avec cet acte. Et regardez, subhanallah, comment ces mécréants, comment les mesures chez eux sont à l'envers. Ils veulent purifier la terre sacrée du sang de cet homme et ne pas la salir avec le sang de cet homme, alors que la sacralité du croyant auprès d'Allah est plus grande que la sacralité de l'Kaaba même. Il tue un croyant qui dit « Allah est mon Seigneur » et soi-disant ils veulent ne pas salir la terre sacrée avec son sang. Et quand ils ont décidé de le tuer, Khubayb radiallahu anhu, ils lui ont dit, et il leur a demandé de le laisser prier 2 rak'at avant qu'il se fasse tuer. Ils ont accepté. Il a pris 2 rak'at rapides. Il leur a dit, par Allah, si je ne craignais pas que vous pensiez que j'ai peur de me faire tuer, j'aurais prié 2 rak'at très longues. J'aurais prié 2 rak'at très longues. Et c'était le premier, comme les savants disent, qui a légiféré cette sunna 2 rak'at avant de se faire tuer. On dit que c'est une sunna parce que ça a été fait pendant le vivant du prophète alayhi sallam et il l'a approuvé. Il n'a pas réfuté cela. C'est pour ça, ça c'est considéré comme une sunna. Sunna, c'est ce que le Nabi alayhi sallam dit, ce qu'il fait et ce qu'il approuve. Donc ça, c'est une sunna par approbation. Et quand ils se sont préparés à le tuer, il a invoqué Allah contre eux. Il a invoqué Allah contre eux. Il a demandé à Allah de ne laisser personne vivant parmi tous ces mécréants. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc, Khoubaïb, on va rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à Khoubaïb, radiyallahu anhu. Et je vais compléter avec d'autres ouvrages. Khoubaïb, radiyallahu anhu, ça je ne le précise pas à chaque fois, mais je le fais quasiment dans tous les passages. Car je ne pense pas qu'on fera un livre plus complet dans la Sira, car comme vous savez, les cours en français, c'est fait pour connaître les bases. Et ensuite, chacun d'entre nous doit passer à l'apprentissage de la langue arabe, ou il peut faire ça en parallèle dès maintenant, pour pouvoir profiter de la science proprement dite, la science de la bouche des savants dans la langue de la science. Et ça, c'est la base. Et ce qu'on fait, ce n'est qu'un dépannage. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, que tu dois arriver à la science proprement dite, l'apprendre de la bouche des savants dans la langue de la science qui est la langue arabe. Et ce qu'on fait ensemble, c'est un projet à travers lequel je vise à mettre à disposition un programme complet pour un débutant dans l'islam ou yani quelqu'un qui n'a pas encore la langue arabe et qui est encore débutant, qui va lui permettre de connaître les bases de sa religion, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans sira, que ce soit dans le fiqh. Également, et dans le fiqh, c'est le livre prochain, bi'idnillah, quand on aura fini celui-là, bi'idnillah, on commencera manhaj al-salikin de l'allama, le savantissime, son éminent, Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah. Un livre très simple et très accessible qui nous permettra d'aborder toutes les questions de le fiqh, sans rentrer trop dans les détails non plus, mais à chaque fois voir la vie juste, la vie le plus authentique dans le mas'ala que nous donnera Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Et la plupart des avis, c'est ce qui est considéré par les savants comme les avis les plus justes et les plus proches de la sunna, excepté quelques points que nous verrons en temps et en heure bi'idnillahi ta'ala. Donc l'apprentissage dans la langue française, c'est une passerelle. C'est une passerelle qui te permettra par la grâce d'Allah Azzajal d'arriver à la demande de science proprement dite. Même si t'es pas spécialisé dans talab al-ilm, t'es un musulman qui cherche à connaître sa religion, tu dois apprendre. Ça c'est pas réservé à une minorité qui se consacre à talab al-ilm. Tous les musulmans doivent connaître ce qu'on est en train de voir. Connaître l'aqidah, connaître le tawhid, connaître le shirk, connaître comment adorer Allah. Dans une journée, depuis qu'ils se réveillent jusqu'à ce qu'ils se couchent, connaître l'adhkar, connaître la vie de leur prophète alayhi salam, sans s'étaler trop dans les détails, mais comme on le fait bi'idnillah, ça devrait être suffisant avant d'acquérir la langue arabe et de passer à d'autres livres qui sont plus complets encore et plus riches encore. Mais avec ce livre, rien qu'avec ce livre, nous allons balayer tous les événements importants dans la vie du prophète alayhi salam. Même si on ne rentre pas trop dans les détails de chaque événement, mais vous allez avoir une idée de la vie du prophète alayhi salam jusqu'à son début, jusqu'à sa fin. De son début jusqu'à sa fin, par la grâce d'Allah azza wa jalla. Donc je disais que Khubayb radiallahu anhu a été tué par un homme qui s'appelle Al-Harith. Khubayb, lui, a tué Al-Harith ibn Amir dans la bataille de Badr. Une des têtes des mécréants. Une des têtes des mécréants. Et donc, il voulait le tuer pour cela. Et ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé prisonnier jusqu'au jour où ils ont décidé de le tuer. Et pendant qu'il était prisonnier, il était dans la maison dans laquelle il y avait une femme. Une des filles de Harith ibn Amir, celui dont Khubayb a tué, celui qui a tué, que Khubayb radiallahu anhu a tué dans la bataille de Badr. La fille de cet homme, qu'il avait gardé dans sa maison, jusqu'au jour où ils ont décidé de le tuer, elle a dit un jour, un de mes enfants, un petit garçon, parmi ses enfants, à cette femme, portait un couteau, une lame très coupante. Et elle a dit, je n'ai pas fait attention jusqu'à un moment où j'ai vu l'enfant sur les jambes de Khubayb, qui était ligoté avec des chaînes en fer. Et la lame était à portée de main, et l'enfant était assis sur lui. Elle a dit, quand j'ai vu ça, j'ai été sous le choc, parce que pour elle, c'est l'occasion pour lui. Il prend l'enfant, il prend la lame, et il demande à ce qu'on le libère, et après il prend la fuite, ou là il tue l'enfant. Il se venge comme ça. Et quand il a vu qu'elle était dans cette panique et dans cette grande peur, il lui a dit, est-ce que tu crains que je le tue? Et il a dit, par Allah, je ne l'aurais pas fait. Et elle, cette femme, elle disait, je n'ai jamais vu un prisonnier comme Khubayb. Je n'ai jamais vu un meilleur prisonnier comme Khubayb, radiallahu anhu. Elle a dit, je l'ai vu manger du raisin à Mecca, alors qu'il n'y avait pas du tout de raisin dans toute Mecca. Lui, il les mangeait quand il était ligoté avec des chaînes en fer. Et elle a dit, subhanallah, comme l'a rapporté Ibn Ishaq, elle a dit, et ça c'était un rizq que Allah lui a envoyé. Un rizq qu'Allah azza wa jalla lui a envoyé pendant qu'il était prisonnier chez cette femme, yani qui est la fille de l'homme qui l'a tué pendant la bataille de Badr. Et ensuite, ils ont décidé de le tuer et ils l'ont sorti comme on a vu. Le deuxième homme qui a été pris prisonnier, c'est, comme on a vu, c'est Zayd ibn Dathinna. Le troisième, il n'a pas voulu les suivre, ils l'ont tué. Zayd ibn Dathinna, radiallahu anhu, il a été racheté par Safwan ibn Umayya. Car c'est Zayd, radiallahu anhu, qui a tué son père, Umayya ibn Khalaf, une des plus grosses têtes de la mécréance. Et son fils, c'est Safwan ibn Umayya, qui va entrer dans l'islam par la suite. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand vous entendez que cet homme a tué ce sahabi, faut toujours avoir à l'esprit que ça, c'est dans le début de l'islam. Et qu'il y a beaucoup parmi eux qui vont devenir musulmans. Et tous, ils vont être au paradis. Et tous, parmi les compagnons, radiallahu anhu. Donc, ne vous précipitez pas à dire du mal contre ces gens-là. Naam, dans ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils l'ont fait dans le jahiliya, dans la mécréance, pour ceux qui vont devenir musulmans. Donc, Safwan ibn Umayya a acheté Zayd ibn Dathinna, radiallahu anhu. Et il l'a, yani le jour où il a décidé de le tuer, il a dit, sortez-le en dehors de l'haram. Et tuez-le en dehors de l'haram. Et des hommes parmi Quraysh se sont réunis ce jour-là, et ils ont assisté يعني à ce moment-là, quand ils ont tué Zayd radiallahu anhu. Et Abu Sufyan, juste avant qu'il le tue, il lui a dit, je te demande par Allah, ô Zayd, est-ce que t'aimerais que Muhammad soit à ta place et qu'on coupe sa tête à lui et pas la sienne, et que toi, t'es parmi les tiens dans ta famille, dans le repos? Écoutez la réponse. Il a dit par Allah, je n'aimerais pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit à ma place et qu'il soit touché par une toute petite épine qui lui fait du mal, alors que moi je suis parmi ma famille dans le repos. Abu Sufyan a dit, quand il a entendu ça, il a dit, je n'ai jamais vu des hommes aimer quelqu'un comme aiment les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et après, des gens qui viennent, ils disent, ils sont des hommes et on est des hommes. Ils ont leur avis, on a notre avis. Et ça, c'est l'amour qu'avaient les compagnons radiallahu anhum pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un amour de foi. Un amour avec lequel ils se rapprochaient d'Allah. Un amour d'adoration. Leurs cœurs se sont remplis de cet amour. Et ça s'est manifesté sous ces formes qu'on a vues. Ce grand amour et ces grands sacrifices pour la religion de l'islam. Il a dit par Allah, je n'aimerais pas qu'il soit, pas qu'on coupe sa tête, qu'il soit touché par une toute petite épine qui lui fait du mal, et que moi, je me sauve de ça. Et ensuite, ils l'ont tué. Et comme ils disent, وَالْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءِ. Abu Sufyan, c'était un grand mécréant. Et regardez ce témoignage. Et les plus véridiques parmi les témoignages, c'est les témoignages de tes adversaires. Quand ils font tes éloges, en général, c'est objectif et c'est véridique. Contrairement à ceux qui t'aiment, ils peuvent exagérer, ils peuvent en rajouter à cause de l'amour qu'ils ont pour toi. Mais tes ennemis, quand ils font tes éloges, alors là, ça ne trompe pas. Pour ça, en arabe, ils disent « وَالْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءِ. Et ensuite, il a ordonné à ce qu'on le tue, et celui qui s'est chargé de le tuer, c'est un homme qui s'appelle Nespas. Nespas, c'est un esclave appartenant à Safwan ibn Umayya. Il l'a tué parce qu'il a tué, c'était lui qui a tué son père dans la bataille de Badr. Son père, c'est Umayya ibn Khalaf. Le dernier qu'on va voir, et avec lequel on va terminer, c'est son histoire. Elle n'est pas moins étonnante et moins stupéfiante que les deux histoires qu'on a vues. L'histoire de Khubayb ibn Ali et de Zayd ibn Dathina, radiallahu anhum. Donc, par rapport au troisième qui est Asim ibn Thabit, radiallahu anhu. Asim ibn Thabit, radiallahu anhu, quand il a été tué, on a vu qu'il a été tué parmi les sept qui ont refusé de baisser les armes et de se soumettre. Donc, ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils les ont tués. Et Asim ibn Thabit, radiallahu anhu, c'est lui qui avait tué les deux fils d'une femme qui s'appelle Sulafa, bint Sa'd ibn Shuhayb. Asim ibn Thabit, radiallahu anhu, c'est lui qui avait tué ses deux fils pendant la bataille de Uhud. Et cette femme, qui fait partie de cette femme, comment ses deux fils ont été tués, elle a demandé qui les a tués le jour de la bataille de Uhud. Ils lui ont dit une description de As ibn Thabit et son surnom, et Allah l'a reconnu. Et depuis ce jour-là, elle a fait un vœu que si elle y arrive, elle buvrait du vin dont la moitié yani, j'ai oublié comment on dit non, la moitié du crâne. Elle prendrait la tête de As ibn Thabit et elle viderait la moitié de son crâne et elle l'utiliserait comme récipient pour boire le vin. Elle avait fait ce vœu et elle a proposé tout ce qui est possible pour celui qui lui ramène As ibn Thabit ou au moins sa tête pour qu'elle remplisse ce vœu qu'elle a fait. Et quand ils l'ont tué, ils ont tué As ibn Thabit, ces hommes parmi Hudayl, ils avaient entendu parler de cette somme qui a été proposée par cette femme, Sulafa. Et ils ont voulu prendre la tête de As ibn Thabit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des abeilles et des guêpes en grand nombre autour du corps de As ibn Thabit radiallahu anhu. Et ils n'ont pas pu atteindre son corps et le toucher. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de cette manière, en envoyant un grand nombre d'abeilles et de guêpes autour de son corps. Et ces hommes, quand ils ont vu ça, ils ont essayé, sans résultat, ils se sont dit, on va passer la nuit ici, et au soir, les abeilles vont partir. Et là, on prendra sa tête. Et le soir, Allah Azza wa Jal a envoyé comme une rivière qui est passée par cet endroit et elle a emporté le corps de As ibn Thabit radiallahu anhu et ils n'ont plus jamais retrouvé son corps. Et Allah Azza wa Jal l'a protégé ainsi. As ibn Thabit, il a une particularité radiallahu anhu qui a été rapportée par Omar ibn al-Khattab. Il a dit quand il a entendu comment Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son corps après sa mort, il a dit, cet homme, As ibn Thabit, c'est un homme qui a fait un vœu de ne jamais toucher un mécréant et de ne jamais être touché par, laisser un mécréant le toucher. Lui, il ne touche pas de lui-même un associateur et il ne laisse pas un associateur le toucher. Il a fait il l'a fait pendant son vivant et il l'a respecté jusqu'à sa mort. Et même après sa mort, Allah Azza wa Jal a accompli pour lui ce vœu et il a empêché les kuffars et les mushrikines de toucher son corps. Ceci a été rapporté par Ibn Ishaq dans Sira. Vous voyez comment étaient ses compagnons radiallahu anhum. Il a fait un vœu de ne jamais toucher un mécréant, un associateur, et de ne jamais laisser un associateur le toucher. Allah al-Musta'an. Voilà, mes frères, pour aujourd'hui, avec la bataille, avec cette expédition de Ar-Raji', nous arrêtons ici aujourd'hui, et nous poursuivons demain, bi'idnillahi ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.